Chapitre 17e. Ne choisis tes amis que parmi tes égaux. Confucius. Que mes amis elfes et humains me pardonnent. Je ne puis sans émotion, ni crainte de faillir à ma tâche, parler de ce qui se passa après mon entrée dans le caveau. En m'introduisant dans l'étroite cellule de pierre, j'étais arrivé à un point infime et dans un temps sublimé et inégalable de ma définitive destinée. C'est la raison pour laquelle ce qui arriva à cet instant devient difficilement traduisible en mots ou même en pensées. Si je tente de retracer les premiers instants de ce passage, je ne peux les détacher de ce qui se passa ensuite et de tous les changements que cela porta à mon existence et à ma compréhension des choses et des êtres. Sachant tout cela maintenant, il est évident que mon expérience ne peut être racontée si simplement. Ainsi, décrire l'angoisse de ces premiers instants me semble à présent dérisoire, et si banale au fond. Pourtant elle fut réelle, tout comme la fiévreuse terreur dans laquelle je sombrais, lorsque je me rendis compte réellement de mon enfermement physique. Rien n'arrivait jusqu'à moi, ni cri, ni grondement, ni murmure, ni souffle d'air. Pourtant j'eus très vite la nette sensation d'entendre des bruits venant des autres mondes. Il me semblait me remémorer, s'il en fut possible, ma propre naissance. Je survécus habité d'une conscience nouvelle. J'acquis la vision de nouveaux passages et de nouveaux accès. Tully m'appelait. J'ouvris soudain les yeux, effaré par la force et la violence de son appel. J'ouvris les yeux et je me mis à tournoyer dans les airs. Je sentis une brusque secousse et Tully qui criait comme un démon au fond de moi, m'enjoignant d'ouvrir les yeux. Lentement, je les ouvris, ne pouvant résister aux ordres de Tully. Aussitôt, le passage autour de moi cessa de virevolter et le sol cessa de monter vers moi. J'étais à présent prisonnière de Tully. Avec rudesse, il imposait à mes sens d'accepter son propre esprit et son corps de dragon. Petit à petit, comprenant que j'acceptais tous ses ordres, il s'apaisa. Insensiblement, je me sentis plus libre et je m'affranchis de la terreur et de sa domination. Tully n'était pas en moi. C'était moi qui étais en lui, dans sa masse gigantesque et brûlante. Je sentis combien l'immense dragon était, autant que moi, prisonnier de mes sens et de mon esprit. Au bout de quelques minutes, je pris conscience de ce qui m'entourait et des raisons de ces ordres brusques et tranchants. Un combat faisait rage autour de nous. Au milieu des courants aériens qui, lorsque nous les traversions, faisaient l'effet de rafales gigantesques qui nous déchiraient, nous devions sans arrêt esquiver des masses sombres qui tentaient de nous percuter comme des boulets de canon démesurés. Étrangement, peu à peu, tout mon être, en symbiose avec l'esprit de Tully, arrivait à anticiper ses ordres et à réagir avec une surprenante rapidité. Progressivement, mon champ de vision s'élargissait. D'autres sens s'ouvraient en moi, m'offrant des perceptions que je n'arrivais pas encore à analyser. Les sensations et les impressions se substituaient l'une à l'autre à une vitesse inconcevable pour la part humaine qui restait ancrée en moi. Au loin, j'aperçus soudain deux immenses dragons venant vers nous à une allure vertigineuse. Tully m'ordonna de prendre de l'altitude et, alors que les attaques redoublaient, nous nous retrouvâmes juste au-dessus des deux dragons. À ce moment-là, je perçus la pensée de Yacht qui tentait de s'infiltrer dans mon esprit, puis celle de Svarine. Ils me demandèrent brièvement d'ouvrir mon esprit aux autres dragons. D'un seul coup, une perception sembla s'imposer à moi, celle que depuis lors j'ai appris à connaître comme Essiel Binda. Cette perception si puissante qui ne peut exister qu'entre dragons de même appartenance. Je n'eus plus le temps de me poser des questions. Nous arrivions au-dessus de la forteresse du dragon couché. J'eus un bref vertige en me rendant compte. Je sentis aussitôt la voix étrangement douce de Yacht imposer à mon esprit de rester avec Tully. Venant vers nous, bien au-dessus des nuages, une multitude de cours sombres et hurlants déferlèrent vers nous. Tully, d'un mouvement bref, vint se mettre à la hauteur des deux autres dragons. Ils étaient si immenses qu'à eux trois ils occupaient presque la moitié de la prodigieuse forteresse. Ils se mirent au-dessus d'elle, quasiment dos à dos. Ce qui se passa ensuite dépasse toute imagination en puissance et en fureur. Ils se mirent à cracher du feu de telle sorte qu'un dôme brûlant semblait recouvrir la citadelle entière. Je ne pus me rendre compte exactement de ce moment car les sensations que j'éprouvais en étant Tully étaient si violentes et phénoménales que je ne me souviens que de la formidable énergie déployée à ce moment-là. Tout d'un coup, une immense explosion fendit l'air au-dessus de nous. Je vis sortir de l'espèce de brume noirâtre qui nous enveloppait une créature lumineuse, gigantesque, et dont la queue à elle seule aurait pu entourer les trois autres dragons. Je sentis une forte émotion chez Tully. Puis, très rapidement, la créature entra dans notre S.I.L. Binda. Ensuite, tout se succéda si rapidement. Les sensations furent si nombreuses et si intenses que je ne pus vraiment me concentrer sur autre chose que cette titanesque force qui arriva vers nous telle une charge de pure lumière. Dans un ensemble symbiotique et parfaitement maîtrisé, les trois dragons abaissèrent soudain leurs gigantesques ailes, le cou tendu vers les nuées noires. Ils s'élevèrent à la verticale d'une façon déconcertante, d'un seul battement d'ailes. Au battement d'ailes suivant, ils pivotaient déjà vers l'extérieur, brisant le cercle de protection qu'ils formaient au-dessus de la forteresse. Le déplacement d'air de la poussée fut tel que je perçus dans tous mes sens l'effort démesuré de Tully pour maintenir cette acrobatique et fantastique figure. À l'instant précis où se créa cette dépression démesurée, le feu du dragon incendia la nuée d'ombre qui désormais était de toutes parts prisonnière, comme happée dans un vortex formidable et incapable de se propager. Je compris là instantanément la technique ordonnée de nos dragons qui avaient su magistralement tirer parti de la force brute et désordonnée des innommables. Tout d'un coup, ce fut terminé. Rien ne restait de l'ombre, le feu s'était calmé soudainement, ne restait que l'odeur de cendre brûlante et de forge incandescente. Je pris soudain conscience d'un feu en moi, il me consumait presque. Je sentis Tully fléchir. « Es-tu blessé ? » murmurai-je. « Non, » rétorqua-t-il, « je suis furieux, énervé, exaspéré. » À ce moment-là, la voix du S.I.L. Binda nous entoura, les autres dragons entourèrent Tully, et je sentis la voix de Yak m'encourager à ne rien faire. « Accepte, » me conforta-t-elle. Je ne savais que dire, ni que faire, et mes pensées affolées semblaient irriter à un plus haut point Tully, sans que je puisse comprendre pourquoi. Furibond, il accepta de se poser. Nous allâmes sur la lande qui surplombait la forteresse posée sur un îlot, et la difficile descente commença. Je compris pourquoi Tully était déstabilisé par ma présence. Je ne maîtrisais aucun de mes réflexes, j'étais comme un poisson ballotté dans un filet de pêcheur. Finalement, nous arrivâmes à nous poser, si maladroitement que je pris conscience du fardeau que je représentais pour Tully. Je remarquai le vol magnifique et sobre des autres dragons pour arriver jusqu'au sol, avec une majesté indicible, les ailes semi-déployées et la tête parfaitement dans le prolongement du corps. Enfin, le dernier dragon arriva, immense, resplendissant. Ses écailles d'un bleu pâle, d'aigle marine, semblaient auréolées d'une vive lueur azur. Sa longue tête était d'une finesse et d'une beauté sculpturale. Même ses ailes déployées portaient en elles une grâce irrésistible. Il se posa non loin de nous et je sentis sa voix étrangement familière parler à l'esprit de Tully. Il s'avança lentement, baissa sa tête et posa son front contre celui de Tully. Il le remercia avec une profonde et touchante humilité qui semble prendre Tully de court. Puis, il lui susurra quelques mots que je ne compris pas dans cet étrange langage dont Yak s'était servi à l'issue du combat près du sanctuaire. Tully se courba, déploya ses deux ailes qu'il mit sur la tête du dragon d'aigle marine. Je sentis un imperceptible soupir lorsque Tully susurra confus. « J'ai promis. » L'immense dragon partit en premier suivi de l'un d'entre eux. Au loin, alors que sur l'océan le soleil commençait à descendre, je vis les deux dragons disparaître comme aspirés par l'immensité du ciel. J'entendis la voix de Yak me susurrer « Il faut attendre. » Quelques minutes à peine après la disparition des deux dragons, Tully prit son envol. Alors que nous étions très haut et que nous montions à plus vive allure encore, je sentis soudain ma respiration s'accélérer. Un instant d'après, je me débattais à l'intérieur de Tully qui, suivi de près de l'autre dragon, ne cessait de me crier des choses incompréhensibles. Je sentis tout d'un coup comme un étranglement puis un déchirement dans tout mon corps, comme si j'étais aspiré dans un goulet étroit. Deux mains m'agrippèrent, alors que je me démenais tant bien que mal, cherchant à retrouver mon souffle. J'appelais de toutes mes forces Tully qui refusait de revenir. Lorsque je repris mes esprits, j'ai été agrippé aux mains de Ulgar, qui, avec délicatesse, tentait de me sortir de la prison de pierre dans laquelle je m'étais allongé peu de temps auparavant. Peu à peu, je repris mes esprits. Je reconnus le sage, et enfin, j'arrêtai de me débattre. Il m'aida à sortir du caveau sombre et m'obligea à faire quelques pas et à boire de l'eau qu'il alla puiser dans une des basques disposées autour de la crypte. Les premiers pas furent terribles. Je ne sentais plus mon corps qui me semblait étroit et rigide. Mes poumons étaient en feu. Ulgar me fit ingurgiter une infâme potion au goût amer qui lentement calma ce feu. Peu à peu, je me sentis plus à l'aise. Je ne pus immédiatement monter les marches pour sortir de la crypte et j'attendis, sur les conseils du sage Ulgar. Assis sur la margelle d'une des basques de granit, je me passai de l'eau sur le visage. Revivant le combat et ma fusion avec Tully, je me posais mille questions sur tout ce qui s'était passé. Après avoir examiné ma blessure à l'épaule, encore endolorie, Ulgar se déclara satisfait de son état. Il me tendit le collier et les brelots que j'avais enlevés avant de m'allonger dans le sarcophage de pierre. L'anémone, ma douce compagne aquatique reposait dans la basque, sauta dans mes mains lorsque je les trempais dans l'eau. Elle sonda délicatement mon esprit et, étrangement, cela m'aida à reprendre l'essence de cette dimension dans laquelle j'étais si précipitamment revenu. Tout d'un coup, la porte de pierre de l'immense crypte s'ouvrit et déboucha Svarin qui se précipita vers moi. Il me considéra un instant, s'assurant que j'allais bien, puis, brusquement, demanda « Où avez-vous laissé Yacht ?» Du fond de la crypte, une voix calme émergea. « Nous sommes revenus ensemble. » Svarin se précipita vers Yacht et la regarda sous toutes les coutures, puis il l'apostropha silencieusement et je vis qu'il était très agité, perdant sa froide et correcte contenance. Ils sortirent tous les deux, discutant encore, elle calme et frondeuse, lui, animé et visiblement inquiet, sous le regard moqueur du sage Ulgar. Finalement, j'eus la force de monter les nombreuses marches que nous avions si rapidement descendues auparavant avec le roi Imrold. Ce n'est que plus tard, lorsque j'arrivai en haut, sous le soleil couchant, que je me rendis compte réellement de l'ampleur du combat. Un chaos de cendres et de pierres éclatées défigurait ce qui avait été une des plus belles citadelles elfes. Cependant, au milieu de toutes ces désolations, le roi Imrold vint vers nous un léger sourire aux lèvres. Toute la tension qu'il portait depuis des jours avait disparu. Le regard lumineux, il s'avança vers moi. Noble Elgara. Il s'inclina légèrement, puis, avec un sourire espiègle qui le transfigurait, il ajouta « Ainsi votre légende est en train de s'écrire ?» Je ne pus répondre qu'avec un sourire las et sans doute hagard. Tant le désastre que je découvrais autour de moi était affligeant. Le roi désigna les ruines. Ce ne sont que des ruines du passé. Nous pleurerons les fils de l'Elfinie plus tard et reconstruirons un futur glorieux. Vous et nos compagnons êtes tous saufs. L'ombre en reviendra, dis-je en fermant les yeux, comme prise par une vision. Désormais, nous pourrons la maîtriser, commença le roi. Comme je le regardais, interloqué, Ilgur, arrivé peu avant, me salua largement avec cette élégance aimable que savent mettre les nains quand ils le désirent. « Le grand dragon est revenu. Avec son feu, nous sommes invincibles, » ajouta-t-il ensuite avec emphase. « Le grand dragon bleu. Oui, » intervint le roi. Il était nécessaire qu'il revînt pour l'Elgara.